Les chasseurs. C'est une singulière destinée, mon cher fils, que celle qui nous réunit. Je vois en toi l'homme civilisé qui s'est fait sauvage. Tu vois en moi l'homme sauvage que le grand esprit, j'ignore pour quel dessein, a voulu civiliser. Entrés l'un et l'autre dans la carrière de la vie par les deux bouts opposés, tu es venu te reposer à ma place et j'ai été m'asseoir à la tienne. Ainsi, nous avons dû avoir des objets une vue totalement différente. Qui, de toi ou de moi, a le plus gagné ou le plus perdu à ce changement de position? C'est ce que savent les génies, dont le moins savant a plus de sagesse que tous les hommes ensemble. À la prochaine lune des fleurs, mois de mai, note de l'auteur, il y aura 7 fois 10 neiges et 3 neiges de plus. Neige pour année, 73 ans, note de l'auteur. Que ma mère me mit au monde sur les bords du Mechasebe. Les Espagnols s'étaient depuis peu établis dans la baie de Pensacola, mais aucun blanc n'habitait encore la Louisiane. Je comptais à peine 17 chutes de feuilles lorsque je marchais avec mon père, le guerrier Outalitzi, contre les Muscogulges, nation puissante des Florides. Nous nous joignîmes aux Espagnols, nos alliés, et le combat se donna sur une des branches de la Mobile. Arescui, dieu de la guerre, note de l'auteur. Et les Manitous ne nous furent pas favorables. Les ennemis triomphèrent. Mon père perdit la vie. Je fus blessé 2 fois en le défendant. Oh, que ne descendis-je alors dans le pays des âmes, les enfers, note de l'auteur. J'aurais évité les malheurs qui m'attendaient sur la terre. Les esprits en ordonnèrent autrement. Je fus entraîné par les fuyards à Saint-Augustin. Dans cette ville, nouvellement bâtie par les Espagnols, je courais le risque d'être enlevé pour les mines de Mexico. Lorsqu'un vieux Castillan nommé Lopez, touché de ma jeunesse et de ma simplicité, m'offrit un asile et me présenta une sœur avec laquelle il vivait, sans épouse. Tous les deux prirent pour moi les sentiments les plus tendres. On m'éleva avec beaucoup de soin. On me donna toutes sortes de maîtres. Mais, après avoir passé 30 lunes à Saint-Augustin, je fus saisi du dégoût de la vie des cités. Je dépérissais à vue d'œil. Tantôt, je demeurais immobile pendant des heures à contempler la cime de lointaines forêts. Tantôt, on me trouvait assis au bord d'un fleuve que je regardais tristement couler. Je me peignais les bois à travers lesquels cette onde avait passé, et mon âme était tout entière à la solitude. Ne pouvant plus résister à l'envie de retourner au désert, un matin je me présentai à Lopez, vêtu de mes habits de sauvage, tenant d'une main mon arc et mes flèches, et de l'autre mes vêtements européens. Je les remis à mon généreux protecteur, au pied duquel je tombais en versant des torrents de larmes. Je me donnais des noms odieux, je m'accusais d'ingratitude. Mais enfin, lui dis-je, « Oh mon père, tu le vois toi-même, je meurs si je ne la reprends pas la vie de l'Indien. » Lopez, frappé d'étonnement, voulut me détourner de mon dessein. Il me représenta les dangers que j'allais courir en m'exposant à tomber de nouveau entre les mains des Muscogulges. Mais, voyant que j'étais résolu à tout entreprendre, fondant en pleurs et me serrant dans ses bras, « Va, s'écria-t-il, enfant de la nature, reprends cette indépendance de l'homme que Lopez ne te veut point ravir. Si j'étais plus jeune moi-même, je t'accompagnerais au désert, où j'ai aussi de doux souvenirs, et je te remettrais dans les bras de ta mère. Quand tu seras dans tes forêts, songe quelquefois à ce vieil Espagnol qui te donna l'hospitalité. Et rappelle-toi, pour te porter à l'amour de tes semblables, que la première expérience que tu as faite du cœur humain a été tout en sa faveur. » Lopez finit par une prière au Dieu des chrétiens, dont j'avais refusé d'embrasser le culte, et nous nous quittâmes avec des sanglots. je ne tardai pas à être puni de mon ingratitude. Mon inexpérience m'égara dans les bois, et je fus pris par un parti de Muscogulge et de Siminole, comme Lopez me l'avait prédit. Je fus reconnu pour Natchez à mon vêtement et aux plumes qui ornaient ma tête. On m'enchaîna, mais légèrement, à cause de ma jeunesse. Simagan, le chef de la troupe, voulut savoir mon nom. Je répondis, je m'appelle Chactas, fils d'Utalitsi, fils de Miscou, qui ont enlevé plus de 100 chevelures aux héros Muscogulge. Simagan me dit, Chactas, fils d'Utalitsi, fils de Miscou, réjouis-toi, tu seras brûlé au grand village. Je répartis, voilà qui va bien, et j'entonnais ma chanson de mort. Tout prisonnier que j'étais, je ne pouvais, durant les premiers jours, m'empêcher d'admirer mes ennemis. Le Muscogulge, et surtout son allié, le Siminole, respire la gaieté, l'amour, le contentement. Sa démarche est légère, son abord ouvert et serein. Il parle beaucoup et avec volubilité. Son langage est harmonieux et facile. L'âge même ne peut ravir au sachem cette simplicité joyeuse. Comme les vieux oiseaux de nos bois, ils mêlent encore leurs vieilles chansons aux airs nouveaux de leur jeune postérité. Les femmes qui accompagnaient la troupe témoignaient pour ma jeunesse une pitié tendre et une curiosité aimable. Elles me questionnaient sur ma mère, sur les premiers jours de ma vie. Elles voulaient savoir si l'on suspendait mon berceau de mousse aux branches fleuries des érables, si les brises m'y balançaient auprès du nid des petits oiseaux. C'était ensuite mille autres questions sur l'état de mon cœur. Elle me demandait si j'avais vu une biche blanche dans mes songes, et si les arbres de la vallée secrète m'avaient conseillé d'aimer. Je répondais avec naïveté aux mères, aux filles et aux épouses des hommes. Je leur disais, « Vous êtes les grâces du jour, et la nuit vous aime comme la rosée. » L'homme sort de votre sein pour se suspendre à votre mamelle et à votre bouche. Vous savez des paroles magiques qui endorment toutes les douleurs. Voilà ce que m'a dit celle qui m'a mise au monde et qui ne me reverra plus. Elle m'a dit encore que les vierges étaient des fleurs mystérieuses qu'on trouve dans les lieux solitaires. Ces louanges faisaient beaucoup de plaisir aux femmes. Elles me comblaient de toutes sortes de dons. Elle m'apportait de la crème de noix, du sucre d'érable, de la sagamité, sorte de pâte de maïs, note de l'auteur, des jambons d'ours, des peaux de castor, des coquillages pour me parer et des mousses pour ma couche. Elle chantait, elle riait avec moi, et puis elle se prenait à verser des larmes en songeant que je serais brûlée. Une nuit que les Muscogulges avaient placé leur camp sur le bord d'une forêt, j'étais assis auprès du feu de la guerre, avec le chasseur commis à ma garde. Tout à coup, j'entendis le murmure d'un vêtement sur l'herbe, et une femme, à demi voilée, vint s'asseoir à mes côtés. Des pleurs roulaient sous sa paupière. À la lueur du feu, un petit crucifix d'or brillait sur son sein. Elle était régulièrement belle. L'on remarquait sur son visage je ne sais quoi de vertueux et de passionné, dont l'attrait était irrésistible. Elle joignait à cela des grâces plus tendres. Une extrême sensibilité, unie à une mélancolie profonde, respirait dans ses regards. Son sourire était céleste. Je crus que c'était la Vierge des dernières amours, cette vierge qu'on envoie aux prisonniers de guerre pour enchanter sa tombe. Dans cette persuasion, je lui dis en balbutiant et avec un trouble qui pourtant ne venait pas de la crainte du bûcher, « Vierge, vous êtes digne des premières amours, et vous n'êtes pas faite pour les dernières. Les mouvements d'un cœur qui va bientôt cesser de battre répondraient mal aux mouvements du vôtre. Comment mêler la mort et la vie? Vous me feriez trop regretter le jour. Qu'un autre soit plus heureux que moi, et que de longs embrassements unissent la liane et le chêne. » La jeune fille me dit alors, « Je ne suis point la Vierge des dernières amours. Es-tu chrétien ?» Je répondis que je n'avais point trahi les génies de ma cabane. À ces mots, L'Indienne fit un mouvement involontaire. Elle me dit « Je te plains de n'être qu'un méchant idolâtre. Ma mère m'a fait chrétienne. Je me nomme Atala, fille de Simagan, au bracelet d'or, et chef des guerriers de cette troupe. Nous nous rendons à Apalachukla, où tu seras brûlé. » En prononçant ces mots, Atala se lève et s'éloigne. Ici, Shaktas fut contraint d'interrompre son récit. Les souvenirs se pressèrent en foule dans son âme. Ses yeux éteints inondèrent de larmes ses joues flétries. Telles deux sources cachées dans la profonde nuit de la terre se décèlent par les eaux qu'elle laisse filtrer entre les rochers. « Ô mon fils, reprit-il enfin, tu vois que Shaktas est bien peu sage, malgré sa renommée de sagesse. Hélas, mon cher enfant, les hommes ne peuvent déjà plus voir qu'ils peuvent encore pleurer. » Plusieurs jours s'écoulèrent. La fille du sachem revenait chaque soir me parler. Le sommeil avait fui de mes yeux, et Atala était dans mon cœur comme le souvenir de la couche de mes pères. Le 17e jour de marche, vers le temps où l'éphémère sort des eaux, nous entrâmes sur la grande savane Alachua. Elle est environnée de coteaux qui, fuyant les uns derrière les autres, portent, en s'élevant jusqu'aux nues, des forêts étagées de copalmes, de citronniers, de magnolias et de chênes verts. Le chef poussa le cri d'arrivée, et la troupe campa au pied des collines. On me relégua à quelque distance, au bord d'un de ces puits naturels si fameux dans les Florides. J'étais attaché au pied d'un arbre. Un guerrier veillait impatiemment auprès de moi. J'avais à peine passé quelques instants dans ce lieu qu'Atala parut sous les liquides embards de la fontaine. « Chasseur, dit-elle au héros Muscogulge, si tu veux poursuivre le chevreuil, je garderai le prisonnier. » Le guerrier bondit de joie à cette parole de la fille du chef. Il s'élance du sommet de la colline et allonge ses pas dans la plaine. Étrange contradiction du cœur de l'homme! Moi qui avais tant désiré de dire les choses du mystère à celle que j'aimais déjà comme le soleil. Maintenant, interdit et confus, je crois que j'eusse préféré d'être jeté au crocodile de la fontaine à me trouver seul ainsi avec Atala. La fille du désert était aussi troublée que son prisonnier. Nous gardions un profond silence. Les génies de l'amour avaient dérobé nos paroles. Enfin, Atala, faisant un effort, dit ceci. « Guerrier, vous êtes retenu faiblement. Vous pouvez aisément vous échapper. » À ces mots, la hardiesse revint sur ma langue. Je répondis. « Faiblement retenu, ô femme !» Je ne sus comment achever. Atala hésita quelques moments, puis elle dit. « Sauvez-vous !» Et elle me détacha du tronc de l'arbre. Je saisis la corde. Je la remis dans la main de la fille étrangère en forçant ses beaux doigts à se fermer sur ma chaîne. « Reprenez-la, reprenez-la » m'écriai-je. « Vous êtes un insensé !» dit Atala d'une voix émue. « Malheureux, ne sais-tu pas que tu seras brûlé ? Que prétends-tu ? Songes-tu bien que je suis la fille d'un redoutable sachem ?»« Il fut un temps, répliquai-je avec des larmes, que j'étais aussi portée dans une peau de castor aux épaules d'une mère. Mon père avait aussi une belle hutte, et ses chevreuils buvaient les eaux de 1000 torrents, mais j'erre maintenant sans patrie. Quand je ne serai plus, aucun ami ne mettra un peu d'herbe sur mon corps pour le garantir des mouches. Le corps d'un étranger malheureux n'intéresse personne. » Ces mots attendrirent Atala. Ses larmes tombèrent dans la fontaine. « Ah ! Repris-je avec vivacité, si votre cœur parlait comme le mien, le désert n'est-il pas libre ? Les forêts n'ont-elles point de repli où nous cacher ? Faut-il donc, pour être heureux, tant de choses aux enfants des cabanes ? Ô fille plus belle que le premier songe de l'époux ! Ô ma bien-aimée, ose suivre mes pas ! » Telles furent mes paroles. Atala me répondit d'une voix tendre, « Mon jeune ami, vous avez appris le langage des Blancs. Il est aisé de tromper une Indienne. « Quoi ? M'écriai-je, vous m'appelez votre jeune ami ? Ah ! Si un pauvre esclave ! Eh bien, dit-elle en se penchant sur moi, un pauvre esclave. Je repris avec ardeur « Qu'un baiser l'assure de ta foi !» Atala écouta ma prière. Comme un faon semble pendre aux fleurs de liane rose, qu'il saisit de sa langue délicate dans l'escarpement de la montagne, ainsi je restais suspendu aux lèvres de ma bien-aimée. Hélas, mon cher fils, la douleur touche de près au plaisir. Qui eût pu croire que le moment où Atala me donnait le premier gage de son amour serait celui-là même où elle détruirait mes espérances. Cheveux blanchis du vieux Chactas, quel fut votre étonnement lorsque la fille du Sachem prononça ces paroles. « Beau prisonnier, j'ai follement cédé à ton désir, mais où nous conduira cette passion? Ma religion me sépare de toi pour toujours. Oh, ma mère, qu'as-tu fait ?» Atala se tut tout à coup et retint je ne sus quel fatal secret près d'échapper à ses lèvres. Ces paroles me plongèrent dans le désespoir. « Eh bien, m'écriai-je, je serai aussi cruel que vous, je ne fuirai point. Vous me verrez dans le cadre de feu, vous entendrez les gémissements de ma chair, et vous serez pleine de joie. » Atala saisit mes mains entre les deux siennes. « Pauvre jeune idolâtre, s'écria-t-elle, tu me fais réellement pitié. Tu veux donc que je pleure tout mon cœur? Quel dommage que je ne puisse fuir avec toi! Malheureux a été le ventre de ta mère, ô Atala, que ne te jettes-tu aux crocodiles de la fontaine ?» Dans ce moment même, les crocodiles, aux approches du coucher du soleil, commençaient à faire entendre leur rugissement. Atala me dit « Quittons ces lieux !» J'entraînai la fille de Simaghan au pied des coteaux, qui formaient des golfes de verdure en avançant leur promontoire dans la savane. Tout était calme et superbe au désert. La cigogne criait sur son nid. Les bois retentissaient du chant monotone des cailles, du sifflement des perruches, du mugissement des bisons et du hennissement des cavales séminoles. Notre promenade fut presque muette. Je marchais à côté d'Atala. Elle tenait le bout de la corde que je l'avais forcée de reprendre. Quelquefois, nous versions des pleurs. Quelquefois, nous essayions de sourire. Un regard tantôt levé vers le ciel, tantôt attaché à la terre, une oreille attentive au chant de l'oiseau, un geste vers le soleil couchant, une main tendrement serrée, un sein tour à tour palpitant, tour à tour tranquille. Les noms de Chactas et d'Atala, doucement répétés par intervalles. Oh, première promenade de l'amour! Il faut que votre souvenir soit bien puissant, puisque, après tant d'années d'infortune, vous remuez encore le cœur du vieux Chactas. Qu'ils sont incompréhensibles les mortels agités par des passions! Je venais d'abandonner le généreux Lopez. Je venais de m'exposer à tous les dangers pour être libre. Dans un instant, le regard d'une femme avait changé mes goûts, mes résolutions, mes pensées. Oubliant mon pays, ma mère, ma cabane et la mort affreuse qui m'attendait, j'étais devenu indifférent à tout ce qui n'était pas Atala. Sans force pour m'élever à la raison de l'homme, j'étais retombé tout à coup dans une espèce d'enfance. Et loin de pouvoir rien faire pour me soustraire aux maux qui m'attendaient, j'aurais eu presque besoin qu'on s'occupât de mon sommeil et de ma nourriture. Ce fut donc vainement qu'après nos courses dans la savane, Atala, se jetant à mes genoux, m'invita de nouveau à la quitter. Je lui protestai que je retournerais seule au camp si elle refusait de me rattacher au pied de mon arbre. Elle fut obligée de me satisfaire, espérant me convaincre une autre fois. Le lendemain de cette journée, qui décida du destin de ma vie, on s'arrêta dans une vallée, non loin de Cuscovilla, capitale des Siminoles. Ces Indiens, unis aux Muscogulges, forment avec eux la confédération des Creeks. la fille du pays des palmiers, vint me trouver au milieu de la nuit. Elle me conduisit dans une grande forêt de pins et renouvela ses prières pour m'engager à la fuite. Sans lui répondre, je pris sa main dans ma main et je forçai cette biche allaitérée d'errer avec moi dans la forêt. La nuit était délicieuse. Le génie des airs secouait sa chevelure bleue, embaumée de la senteur des pins, et l'on respirait la faible odeur d'ambre qu'exhalaient les crocodiles couchés sous les tamarins des fleuves. La lune brillait au milieu d'un azur sans tache, et sa lumière gris de perles descendait sur la cime indéterminée des forêts. Aucun bruit ne se faisait entendre, or je ne sais quelle harmonie lointaine qui régnait dans la profondeur des bois. On eût dit que l'âme de la solitude soupirait dans toute l'étendue du désert. Nous aperçûmes, à travers les arbres, un jeune homme qui, tenant à la main un flambeau, ressemblait au génie du printemps, parcourant les forêts pour animer la nature. C'était un amant qui allait s'instruire de son sort à la cabane de sa maîtresse. Si la Vierge éteint le flambeau, elle accepte les vœux offerts. Si elle se voile sans l'éteindre, elle rejette un époux. Le guerrier, en se glissant dans les ombres, chantait à demi-voix ces paroles. Je devancerai les pas du jour sur le sommet des montagnes pour chercher ma colombe solitaire parmi les chênes de la forêt. J'ai attaché à son cou un collier de porcelaine. Sorte de coquillage, note de l'auteur. On y voit trois grains rouges pour mon amour, trois violets pour mes craintes, trois bleus pour mes espérances. Mila a les yeux d'une hermine et la chevelure légère d'un champ de riz. Sa bouche est un coquillage rose garni de perles. Ses deux seins sont comme deux petits chevreaux sans tache, nés au même jour d'une seule mère. Puisse Mila éteindre ce flambeau, puisse sa bouche verser sur lui une ombre voluptueuse. Je fertiliserai son sein. L'espoir de la patrie pendra à sa mamelle féconde, et je fumerai mon calumet de paix sur le berceau de mon fils. Ah, laissez-moi devancer les pas du jour sur le sommet des montagnes pour chercher ma colombe solitaire parmi les chênes de la forêt. Ainsi chantait ce jeune homme, dont les accents portèrent le trouble jusqu'au fond de mon âme et firent changer de visage à Atala. Nos mains unies frémirent l'une dans l'autre, mais nous fûmes distraits de cette scène par une scène non moins dangereuse pour nous. Nous passâmes auprès du tombeau d'un enfant qui servait de limite à deux nations. On l'avait placé au bord du chemin selon l'usage, afin que les jeunes femmes, en allant à la fontaine, pussent attirer dans leur sein l'âme de l'innocente créature et la rendre à la patrie. On y voyait dans ce moment des épouses nouvelles qui, désirant les douceurs de la maternité, cherchaient, en entr'ouvrant leurs lèvres, à recueillir l'âme du petit enfant qu'elles croyaient voir errer sur les fleurs. La véritable mère vint ensuite déposer une gerbe de maïs et des fleurs de lys blanc sur le tombeau. Elle arrosa la terre de son lait, s'assit sur le gazon humide et parla à son enfant d'une voix attendrie. « Pourquoi te pleurais-je dans ton berceau de terre, oh, mon nouveau-né ? Quand le petit oiseau devient grand, il faut qu'il cherche sa nourriture. Il trouve dans le désert bien des graines amères. Du moins, tu as ignoré les pleurs. Du moins, ton cœur n'a point été exposé au souffle dévorant des hommes. Le bouton qui sèche dans son enveloppe passe avec tous ses parfums, comme toi, ô mon fils, avec toute ton innocence. Heureux ceux qui meurent au berceau, ils n'ont connu que les baisers et les souris d'une mère. » Déjà subjugués par notre propre cœur, nous fûmes accablés par ces images d'amour et de maternité qui semblaient nous poursuivre dans ces solitudes enchantées. J'emportai Atala dans mes bras au fond de la forêt, et je lui dis des choses qu'aujourd'hui je chercherais en vain sur mes lèvres. Le vent du midi, mon cher fils, perd sa chaleur en passant sur des montagnes de glace. Les souvenirs de l'amour dans le cœur d'un vieillard sont comme les feux du jour réfléchis par l'orbe paisible de la lune. Lorsque le soleil est couché et que le silence plane sur la hutte des sauvages. Qui pouvait sauver Atala? Qui pouvait l'empêcher de succomber à la nature? Rien qu'un miracle, sans doute. Et ce miracle fut fait. La fille de Simaghan eut recours au Dieu des chrétiens. Elle se précipita sur la terre et prononça une fervente oraison adressée à sa mère et à la reine des vierges. C'est de ce moment, ô Renée, que j'ai conçu une merveilleuse idée de cette religion qui, dans les forêts, au milieu de toutes les privations de la vie, peut remplir de 1000 dons les infortunés. De cette religion qui, opposant sa puissance au torrent des passions, suffit seule pour les vaincre, lorsque tout les favorise, et le secret des bois, et l'absence des hommes, et la fidélité des ombres. Ah, qu'elle me parut divine, la simple sauvage, l'ignorante Atala, qui, à genoux devant un vieux pin tombé, comme au pied d'un autel, offrait à son Dieu des vœux pour un amant idolâtre. Ses yeux levés vers l'astre de la nuit, ses joues brillantes des pleurs de la religion et de l'amour, étaient d'une beauté immortelle. Plusieurs fois, il me sembla qu'elle allait prendre son vol vers les cieux. Plusieurs fois, je crus voir descendre sur les rayons de la lune et entendre dans les branches des arbres ces génies que le Dieu des chrétiens envoie aux ermites des rochers lorsqu'il se dispose à les rappeler à lui. J'en fus affligé, car je craignis qu'Atala n'eût que peu de temps à passer sur la terre. Cependant, elle versa tant de larmes, elle se montra si malheureuse, que j'allais peut-être consentir à m'éloigner, lorsque le cri de mort retentit dans la forêt. 4 hommes armés se précipitent sur moi. Nous avions été découverts. Le chef de guerre avait donné l'ordre de nous poursuivre. Atala, qui ressemblait à une reine pour l'orgueil de la démarche, dédaigna de parler à ses guerriers. Elle leur lança un regard superbe et se rendit auprès de Simaghan. Elle ne put rien obtenir. On redoubla mes gardes, on multiplia mes chaînes, on écarta mon amante. 5 nuits s'écoulent et nous apercevons Apalachukla, située au bord de la rivière Chattahoochee. Aussitôt, on me couronne de fleurs. On me peint le visage d'azur et de vermillon. On m'attache des perles au nez et aux oreilles, et l'on me met à la main un chichikoué, instrument de musique des sauvages, note de l'auteur. Ainsi paré pour le sacrifice, j'entre dans Apalachukla, aux cris répétés de la foule. C'en était fait de ma vie, quand tout à coup le bruit d'une conque se fait entendre, et le miko, ou chef de la nation, ordonne de s'assembler. Tu connais, mon fils, les tourments que les sauvages font subir aux prisonniers de guerre. Les missionnaires chrétiens, au péril de leurs jours, et avec une charité infatigable, étaient parvenus chez plusieurs nations à faire substituer un esclavage assez doux aux horreurs du bûcher. Les Muscogulges n'avaient point encore adopté cette coutume, mais un parti nombreux s'était déclaré en sa faveur. C'était pour prononcer sur cette importante affaire que le miko convoquait les sachems. On me conduit au lieu des délibérations. Non loin d'Apalachukla s'élevait, sur un tertre isolé, le pavillon du conseil. 3 cercles de colonnes formaient l'élégante architecture de cette rotonde. Les colonnes étaient de cyprès polis et sculptés. Elles augmentaient en hauteur et en épaisseur et diminuait en nombre à mesure qu'elle se rapprochait du centre, marquée par un pilier unique. Du sommet de ce pilier partaient des bandes d'écorce qui, passant sur le sommet des autres colonnes, couvraient le pavillon en forme d'éventail à jour. Le conseil s'assemble. 50 vieillards, en manteaux de castor, se rangent sur des espèces de gradins faisant face à la porte du pavillon. Le grand chef est assis au milieu d'eux, tenant à la main le calumet de paix, à demi coloré pour la guerre. À la droite des vieillards se placent 50 femmes, couvertes d'une robe de plumes de cygne. Les chefs de guerre, le tomahawk, la hache, note de l'auteur, à la main, le pennage en tête, les bras et la poitrine teints de sang, prennent la gauche. Au pied de la colonne centrale brûle le feu du conseil. Le premier jongleur, environné des 8 gardiens du temple, revêtu de longs habits et portant un hibou empaillé sur la tête, verse du baume de copalme sur la flamme et offre un sacrifice au soleil. Ce triple rang de vieillards, de matrones, de guerriers, ces prêtres, ces nuages d'encens, ce sacrifice, tout sert à donner à ce conseil un appareil imposant. J'étais debout, enchaîné au milieu de l'assemblée. Le sacrifice achevé, le miko prend la parole et expose avec simplicité l'affaire qui rassemble le conseil. Il jette un collier bleu dans la salle en témoignage de ce qu'il vient de dire. Alors un sachem de la tribu de l'aigle se lève et parle ainsi. « Mon père, le miko, sachem, matrone, guerrier des 4 tribus de l'aigle, du castor, du serpent et de la tortue, ne changeons rien aux mœurs de nos aïeux. Brûlons le prisonnier et n'amollissons point nos courages. C'est une coutume des blancs qu'on vous propose. Elle ne peut être que pernicieuse. Donnez un collier rouge qui contienne mes paroles. » J'ai dit. Et il jette un collier rouge dans l'assemblée. Une matrone se lève et dit « Mon père, l'aigle, vous avez l'esprit d'un renard et la prudente lenteur d'une tortue. Je veux polir avec vous la chaîne d'amitié, et nous planterons ensemble l'arbre de paix. Mais changeons les coutumes de nos aïeux en ce qu'elles ont de funeste. Ayons des esclaves qui cultivent nos champs, et n'entendons plus les cris des prisonniers qui troublent le sein des mers. » J'ai dit. Comme on voit les flots de la mer se briser pendant un orage, comme en automne les feuilles séchées sont enlevées par un tourbillon, comme les roseaux du Mechasebe plient et se relèvent dans une inondation subite, comme un grand troupeau de cerfs brame au fond d'une forêt. Ainsi s'agitait et murmurait le conseil. Des sachems, des guerriers, des matrones parlent tour à tour ou tous ensemble. Les intérêts se choquent, les opinions se divisent. Le conseil va se dissoudre, mais enfin l'usage antique l'emporte et je suis condamné au bûcher. Une circonstance vint retarder mon supplice. La fête des morts ou festin des âmes approchait. Il est d'usage de ne faire mourir aucun captif pendant les jours consacrés à cette cérémonie. On me confia une garde sévère, et sans doute les sachems éloignèrent la fille de Simagan, car je ne la revis plus. Cependant, les nations de plus de 300 lieues à la ronde arrivaient en foule pour célébrer le festin des âmes. On avait bâti une longue hutte sur un site écarté. Au jour marqué, chaque cabane exhuma les restes de ses pères de leur tombeau particulier. Et l'on suspendit les squelettes, par ordre et par famille, au mur de la salle commune des aïeux. Les vents, une tempête s'était élevée, les forêts, les cataractes mugissaient au dehors, tandis que les vieillards des diverses nations concluaient entre eux des traités de paix et d'alliance sur les os de leurs pères. On célèbre les jeux funèbres, la course, la balle, les osselets. Deux vierges, cherchent à s'arracher une baguette de saule. Les boutons de leurs seins viennent se toucher. Leurs mains voltigent sur la baguette, qu'elles élèvent au-dessus de leur tête. Leurs beaux pieds nus s'entrelacent, leurs bouches se rencontrent, leurs douces haleines se confondent, elles se penchent et mêlent leurs chevelures. Elles regardent leur mère, rougissent, on applaudit. La rougeur est sensible chez les jeunes sauvages. Note de l'auteur. Le jongleur invoque Mitchabou, génie des eaux. Il raconte les guerres du grand lièvre contre Machimanitou, dieu du mal. Il dit le premier homme et hâta Ensik, la première femme, précipitée du ciel pour avoir perdu l'innocence. La terre rougit du sang fraternel, Jusqu'Eka l'impie, immolant le juste Tawit Tsaron. Le déluge descendant à la voix du grand esprit, Massou sauvé seul dans son canot d'écorce, et le corbeau envoyé à la découverte de la terre. Il dit encore la belle Andae, retirée de la contrée des âmes par les douces chansons de son époux. Après ces jeux et ces cantiques, on se prépare à donner aux aïeux une éternelle sépulture. Sur les bords de la rivière Tchataouché se voyait un figuier sauvage que le culte des peuples avait consacré. Les vierges avaient accoutumé de laver leurs robes d'écorce dans ce lieu et de les exposer au souffle du désert, sur les rameaux de l'arbre antique. C'était là qu'on avait creusé un immense tombeau. On part de la salle funèbre en chantant l'hymne à la mort. Chaque famille porte quelques débris sacrés. On arrive à la tombe, on y descend les reliques. On les y étend par couches, on les sépare avec des peaux d'ours et de castor. Le mont du tombeau s'élève et l'on y plante l'arbre des pleurs et du sommeil. Plaignons les hommes, mon cher fils, ces mêmes Indiens dont les coutumes sont si touchantes, ces mêmes femmes qui m'avaient témoigné un intérêt si tendre, demandaient maintenant mon supplice à grands cris, et des nations entières retardaient leur départ pour avoir le plaisir de voir un jeune homme souffrir des tourments épouvantables. Dans une vallée au nord, à quelque distance du grand village, s'élevait un bois de cyprès et de sapins, appelé le bois du sang. On y arrivait par les ruines d'un de ces monuments dont on ignore l'origine et qui sont l'ouvrage d'un peuple maintenant inconnu. Au centre de ce bois s'étendait une arène où l'on sacrifiait les prisonniers de guerre. On m'y conduit en triomphe. Tout se prépare pour ma mort. On plante le poteau d'Arescoui. Les pins, les ormes, les cyprès tombent sous la cognée. Le bûcher s'élève. Les spectateurs bâtissent des amphithéâtres avec des branches et des troncs d'arbres. Chacun invente un supplice. L'un se propose de m'arracher la peau du crâne, l'autre de me brûler les yeux avec des haches ardentes. Je commence ma chanson de mort. Je ne crains point les tourments. Je suis brave, ô Muskogulj. Je vous défie. Je vous méprise plus que des femmes. Mon père, Outalissi, fils de Miskou, a bu dans le crâne de vos plus fameux guerriers. Vous n'arracherez pas un soupir de mon cœur. Provoqué par ma chanson, un guerrier me perça le bras d'une flèche. Je dis, frère, je te remercie.